Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission, la 134e de Osez Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 27, avec toujours pour nous accompagner ce générique Bacchus de Nicolas Gardel et les Headbangers. Merci à Maxime de m'accompagner pour cette soirée autour du jazz, toujours bien sûr. Maxime qui assure la technique avec grand brio. Comme toujours, on va commencer comme d'habitude avec notre rubrique générique, et un générique qui va rappeler bien des souvenirs au plus de 50 ans, on va dire, parmi nos auditeurs. C'est l'émission de Radio Campus de Michel Lancelot qui va faire l'objet de cette rubrique générique ce soir. Michel Lancelot, qui était un journaliste qui avait fait pas mal de télévision pour commencer à l'ORTF à l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait. Notamment en travaillant sur la célèbre émission d'actualité 5 colonnes à la une, puis ensuite il est parti à la radio, là où il s'est fait peut-être le plus connaître, avec un passage chez Europe 1, notamment à partir de 1968, où il va animer cette émission donc, qui s'appelait Campus, créée le 28 mars 1968, donc c'est presque l'anniversaire d'ailleurs, co-créée avec un autre journaliste célèbre, François Jouffat, grand spécialiste notamment des Beatles. Et donc cette émission va durer 4 ans jusqu'en 1972, une émission qui se déroulait en fin de journée à partir de 20h30 et qui s'adressait un petit peu à toute la jeunesse étudiante des années 68, et Dieu sait qu'elle était un petit peu turbulente, cette jeunesse à l'époque. Donc l'émission était un peu à l'image de cette jeunesse turbulente, ça, beaucoup de musique issue de la pop anglo-saxonne et américaine. Mais aussi parfois en plein milieu, Michel Lancelot était capable de dégoupiller un tambour de couperin de Ravel par exemple pour glisser un morceau de musique classique et aussi un peu de jazz. Et c'était vraiment quelqu'un qui avait un esprit assez libre. Ensuite, dans les années 80, il a participé aussi au début de certaines radios libres, comme on disait à l'époque. Mais bon, voilà, un esprit tout à fait libre dans un monde qui était un petit peu déjà formaté, même si on était en 1968, au point que même Léo Ferré lui a rendu hommage avec une chanson qui s'appelait « Michel », tout simplement. En toute simplicité, dans lequel Léo Ferré disait « Ce qu'il ne faut pas dire, en fait, toi tu le dis, Michel. Ce qu'il ne faut pas faire, en fait, toi tu le fais, Michel. Chaque soir, à campus, avec dans l'œil et dans l'oreille, les chants perdus du bout de la terre et de Nanterre. » Voilà, on ne peut pas faire plus bel hommage que d'avoir son nom et son émission cités dans une chanson de Léo Ferré, quand même, c'est assez fort. Alors, comme générique de son émission, il avait choisi une musique assez étonnante, parce que même par les canons d'aujourd'hui, elle reste très très très en avance, je dirais, sur son temps, parce que ça mélange des influences jazz, des influences rock, des influences presque punk dans le son des guitares qui est très très saturé. C'est un morceau donc qui s'appelle Marbles, les billes en français, de John McLaughlin, un morceau qu'il avait enregistré à l'époque dans une série de sessions qu'il avait faites au Record Plant à New York, sessions dont l'un des ingénieurs du son n'était autre que Jimi Hendrix. Rien que ça, n'empêche, hein, ça vous classe à un homme. Et puis, sur cette session, il était accompagné notamment de Buddy Miles, qui à l'époque était le batteur de Jimi Hendrix, batteur du Band of Gypsies, et puis un bassiste qui fait là un boulot absolument incroyable sur ce morceau-là, qui était Billy Rich. Il y a Larry Young au l'orgamond, qui vient apporter aussi une petite touche un petit peu psychée à tout ça. Le morceau est assez dingue. Il l'a enregistré donc entre des sessions pour Miles Davis, notamment pour l'album Bitches Brew, et puis ses propres albums à lui, qui à l'époque sortait déjà des albums acoustiques et électriques. Donc entre deux sessions d'albums, voilà, il a mis en place ce petit morceau qui s'appelle Marbles, avant ensuite après de de partir sur sa propre carrière avec notamment le Mahavishnu Orchestra et puis après ses albums sous son nom propre. Donc on va écouter ce merveilleux générique Marbles de John McLaughlin qui ouvrait l'émission de Radio Campus de Michel Lancelot en 1968. C'était le Marbles de John McLaughlin qui démarrait chaque fois l'émission Campus de Michel Lancelot de 1968 à 1972. Marbles, vous avez pu entendre, hein, c'est un morceau qui envoie bien, ça nettoie les esgourdes, comme disait mon grand-père. Ce à quoi ma grand-mère aurait répondu, oui, ça fait du potin. Mais voilà, c'était vraiment une période très très fusion dans cette musique new-yorkaise suite à l'apparition de Jimi Hendrix, donc on sent quand même un petit peu l'influence là-dedans. Et puis avec ce John McLaughlin qui partait travailler entre temps avec Miles Davis et puis avec plein d'autres gens, avec Jack Bruce, avec Larry Young, enfin bon, bref, voilà un bien beau morceau qui sur lequel j'ai juste un tout petit reproche. La guitare est peut-être un tout petit peu sous-mixée, je trouve, mais sinon, c'est vraiment un beau moment de musique. Voilà, on va revenir à notre époque de 2026, avec aujourd'hui donc pas mal de sorties encore que l'on va pouvoir explorer. Et on va commencer avec quelque chose un petit peu plus doux que ce qu'on a écouté jusque-là, donc avec le nouvel album du pianiste Shai Maestro, qui débarque dans les bacs ces jours-ci. L'album s'appelle The Guest House, la maison des invités, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent travailler sur cet album, y compris des chanteurs et des chanteuses. Mais j'ai choisi un morceau instrumental parce que c'est plus proche de ce que l'on connaît de lui, Shai Maestro, qui avait commencé il y a quelques années dans le groupe du contrebassiste Avishai Cohen, et puis qui depuis a largement pris son essor. Hein, c'est son 7e ou 8e album solo, dans lequel il est accompagné donc de Gadi Lehavi au clavier, hein, clavier et puis un peu d'électronique aussi. Jorge Geroder à la basse, le grand Jorge Geroder qui a joué lui aussi avec Avishai Cohen. Ofri Nehemia à la batterie. Et donc tous ces gens-là réussissent à la fois de bien belles nouvelles compositions et puis cette petite surprise que j'ai sélectionnée pour vous, qui est une reprise remise vraiment au goût du jour et au style de Shai Maestro d'un grand classique du jazz, sur lequel on reviendra après, puisque je vous ai sorti deux autres versions pour vous rappeler combien ce morceau a eu de l'importance dans l'histoire du jazz. C'est le fameux Nature Boy, qui fut d'abord connu par la voix de Nat King Cole. Ici, donc, c'est une version instrumentale, mais vous allez voir, la mélodie, vous la connaissez, elle est quelque part dans votre cerveau, et vous allez pouvoir la déguster dans cette version, donc, extraite 2026 de Shai Maestro, The Guest House, Nature Boy. Thank you. C'était Nature Boy, revisité par Shy Maestro et son groupe. Une ambiance qui va du jazz à presque de l'électro, du drum and bass, presque au niveau de la rythmique par moment. Assez étonnant ce qu'arrive à faire Ofri Nehemia à la batterie. Là, un drumming tout en finesse, mais en même temps terriblement rapide. C'est assez incroyable. Et puis Shy Maestro, aussi bien au piano qu'au synthé, arrive à sortir des sons absolument incroyables. Et aussi une très belle participation de Jorge Roder à la basse qui lui, en basse acoustique, réussit à ancrer tout ça de manière assez exceptionnelle. Alors ce morceau, Nature Boy, s'est fait connaître en premier par la voix de Nat King Cole dès 1948. C'est vraiment le premier grand succès de Nat King Cole, qui après aura une carrière particulièrement impressionnante, à une période un peu difficile en plus pour un chanteur noir, mais où il a réussi à s'imposer et aussi à imposer un petit peu ce mouvement pour les droits des noirs aux États-Unis au début des années 60 en s'alliant avec Martin Luther King. Donc cette chanson, en fait, lui a été proposée par un de ses managers, et en fait, elle est manée d'un certain Eden Abbez, qui était un personnage, en fait, qui utilisait ce pseudo de Eden Abbez, écrit sans majuscule, tout en lettres minuscules. Le personnage en question s'appelait de son vrai nom George McGrew, et il était tombé littéralement en admiration devant une philosophie qui avait été mise en place aux États-Unis par un certain Bill Pester, qui aura redonné un petit peu sa place à l'homme au milieu de la nature. Il fallait revenir à la nature, à l'Éden original, etc. Et curieusement, il s'était installé quelque part, pas très loin du Laurel Canyon, près de Los Angeles, que réutiliseront, bien sûr, dans les années 70, les hippies qui iront venir s'installer dans ce même Laurel Canyon à partir de 1966-67. Et curieusement, voilà, l'histoire se répète. En fait, cette histoire, on connaît bien l'histoire des hippies au Laurel Canyon de Los Angeles, mais on connaît mal cette histoire de ce mouvement des Nature Boys qui prenait déjà à l'époque un retour à la nature, des gens qui vivaient tout simplement dans des maisons qu'ils construisaient eux-mêmes, en mangeant que des légumes et des fruits crus, donc un régime complètement végétarien, et puis qui s'habillait tout simplement, qui marchait pieds nus, qui se laissait pousser les cheveux et la barbe. J'imagine qu'en 1948, des Américains qui se baladent dans la rue avec les cheveux longs et la barbe, ça devait pas courir les rues, ça devait faire réagir. Voilà, on imagine que ça devait pas être facile. Et donc ce Eden Abbez a écrit cette chanson, Nature Boy, justement, pour parler de ce mouvement. Et il a eu quand même beaucoup de chance que sa partition tombe entre les mains de Nat King Cole, qui en a fait un énorme succès. Et ça a fait un petit peu connaître, mais bon, finalement, peu de gens ont suivi cette philosophie à l'époque. C'était pas trop dans la tendance, on va dire. Et petit à petit, il a fallu attendre le mouvement hippie pour que cela refleurisse, si je puis m'exprimer ainsi, dans l'inconscient des Américains. On va donc écouter cette version de Nature Boy par Nat King Cole. Donc, il avait enregistré dans un premier temps en 1948 en single, ensuite qu'il a réenregistré régulièrement au cours de sa carrière, que d'autres grands, bien sûr, ont réenregistré, hein, de Frank Sinatra à Sarah Vaughan, en passant par Tony Bennett dans son album en duo avec Lady Gaga. On l'écoutait il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ce duo, et ben voilà, ils ont aussi repris cette chanson-là. Il y a même eu une version par David Bowie, dans la BO de Moulin Rouge. Je me souvenais plus que David Bowie chantait dans Moulin Rouge, mais bon, voilà. C'est vraiment une chanson qui a fait le tour du monde, et on va donc en écouter la version originale par monsieur Nat King Cole, Nature Boys. C'est tout de suite. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Piano aussi de velours. D'ailleurs, sur ce Nature Boy, donc, dont je vous raconte un petit peu l'histoire au fil de ces premières minutes de cette émission, et on va passer à une autre version d'ailleurs qu'on va écouter. Alors j'aime bien faire dans les contrastes, donc on a écouté une version assez moderne par Shai Maestro pour commencer, le grand classique, la version de Nat King Cole de 1948 par la suite, et maintenant on va aborder une version de ce Nature Boy par Monsieur George Benson lui-même en 1977 sur son album In Flight. Alors là, le morceau prend une ampleur complètement différente. George Benson, à la fois à l'époque, est un petit peu entre sa période jazz véritable où il a multiplié les albums, notamment chez CTI, qui était un petit peu jazz funk, etc. Et puis là, il va se tourner de plus en plus vers la funk directe. Mais là, c'est un album un petit peu transition, In Flight, et donc on retrouve un petit peu de ces deux pôles, à la fois du jazz, mais en même temps soul, funk, qui tourne un petit peu presque vers le disco par moment, et qui sonne vraiment très très bien, et qui amène ce morceau vers de nouveaux territoires. Bon, il faut savoir qu'il y a tout un orchestre derrière, qui est dirigé et arrangé par Klaus Ogerman, qui a été un grand arrangeur, qui a travaillé un petit peu avec tous les plus grands, de Frank Sinatra jusqu'à récemment Diana Krall. Il y a beaucoup de monde sur l'album, donc George Benson tient bien sûr la guitare et la voix. Il y a Harvey Mason à la batterie, Jorge Dalto au clavinet, et puis également Philip Church à la guitare, Ralph McDonald aux percussions, et puis Ronnie Foster au mood. Donc ça fait quand même un paquet de joli monde pour accompagner cette version donc très soul, funk, jazz de Monsieur George Benson qu'on écoute tout de suite. Wondered very far shy and sad of eye, very wise, very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. We spoke of many things, wolves and kings. Yes, he said to me, the greatest thing you could ever learn is just to love and be loved in return. Avec ce Nature Boy dans sa version voilà, un petit peu soul funk, très groovy. Ça fait vraiment penser aussi par moments à Stevie Wonder dans l'esprit, hein. même dans sa voix presque, il est dans le même esprit que Stevie Wonder. Vraiment une très belle version donc de ce Nature Boys qu'on a écouté donc dans trois versions quand même radicalement différentes. Vous voyez que avec un même morceau on peut faire des choses qui n'ont rien à voir, et c'est ça que la beauté du jazz et sa richesse au fil des ans. On va revenir sur les nouveautés maintenant avec la suite des sorties, et un garçon qu'on a l'habitude de revoir chez nous régulièrement puisque c'est son troisième album chez Blue Note, et je crois bien que c'est la troisième fois qu'on le fait en coup de cœur. Donc voilà, un garçon qui est un régulier de l'émission, c'est Walter Smith, troisième du nom, un saxophoniste qui est vraiment dans la nouvelle écurie de chez Blue Note, hein, une des valeurs montantes, sur un album qui s'appelle Twio Volume 2. Il y avait eu un premier Twio en premier, et voici ce Twio Volume 2, donc avec toujours ce trio qui se limite à un bassiste, Joe Sanders, un batteur, Kendrick Scott, et donc Walter Smith au sax. Donc trio avec juste un sax et une rythmique, ça nécessite quand même quelqu'un qui sache souffler et impulser vraiment de la mélodie dans les compos pour pouvoir maintenir un petit peu l'attention de l'auditeur. C'est un exercice assez difficile. Ils sont pas nombreux à oser ce genre de trio simple. Il y a toujours souvent un piano, un accompagnement accompagnement pour poser un petit peu tout ça. Là, c'est vraiment un jeu à trois qui se répond et qui est vraiment intéressant à suivre dans ses différentes circonvolutions. D'autant que sur certains morceaux, il y a aussi un deuxième bassiste et un deuxième batteur et un deuxième saxophoniste qui apparaissent, notamment Ron Carter, le vieux Ron Carter, on va pouvoir le dire, il a plus de 80 ans, Ron Carter, il a quand même accompagné les plus grands depuis les années 50, qui vient doubler les basses, et puis Branford Marsalis, lui, au saxophone, qui vient faire un petit peu des duos sur certains morceaux avec Walter Smith. Et donc, le morceau que je vous ai sélectionné ici s'appelle Casual Lee, c'est un morceau en deux parties, dans lequel, on a une première partie assez carrée, et puis une deuxième plus improvisée, beaucoup d'improvisation dans la deuxième. Ça permet un petit peu de voir les différents aspects de ce trio qui évolue ici entre nos oreilles. Le morceau donc Casual Lee, c'est extrait de cet album Trio Volume 2 de Walter Smith, le troisième du nom. Thank you. Casual Lee, extrait de ce tuyau numéro volume 2 de Walter Smith, troisième du nom. Et voilà, vous avez pu remarquer que ce trio quand même était bien augmenté, puisque on avait deux basses en fait sur ce morceau, celle de Joe Sanders et aussi celle de Ron Carter, ce qui expliquait le foisonnement de basses derrière. Et puis à la batterie, Kendrick Scott qui en met un petit peu partout, mais alors avec un swing absolument incroyable. Il occupe l'espace de manière assez époustouflante. Et puis bien sûr, vous avez certainement reconnu également le saxo ténor de Branford Marsalis qui vient seconder celui soprane de Walter Smith donc sur ce morceau. Voilà, ça joue comme ça tout du long. Alors il y en a qui peuvent trouver ça épuisant, mais ça fait quand même du bien d'entendre un swing pareil dans cet album. Voilà. On va passer rapidement à quelques sorties comme ça qu'on va évoquer dans cette rubrique à pack à disques qui vous est habituelle maintenant. Notamment une curiosité, un album de Flore Benguigui. Flore Benguigui, vous allez me dire bah c'est qui ? Eh ben c'est la chanteuse du groupe électro L'Impératrice qui fait un album solo mais plutôt jazz un petit peu années 30 et tout, un petit jazz un petit peu dans l'esprit de ce qu'on pouvait écouter à l'époque. Donc c'est mignon. C'est gentil, ça s'écoute tranquillement. Il y a un nouvel album aussi de Larry Nocella, qui est un saxophoniste qui mérite lui aussi qu'on écoute un petit peu cet album, Everything Happens to Me, très très classique dans son esprit, mais vraiment très bien. Clovis Nicolas, le bassiste, on avait fait un coup de cœur sur son album précédent, mais pour l'instant j'ai pas trouvé encore de son pour pouvoir le partager avec vous. Celui-ci s'appelle Blues in Blueprint, donc on y reviendra certainement d'ici quelques temps. Un nouvel album de Mark Adams également qui déboule. Et puis une autre curiosité, un album en duo de Roberto Fonseca, le pianiste cubain, avec Vincent Segal, le violoncelliste français. Et ça donne un curieux album entre ambiance cubaine, jazz et puis musique de chambre. Ça s'appelle Nuit parisienne à la Havane. Et ce duo piano-violoncelle est assez étonnant, très séduisant. Mais voilà, on est plus proche presque de la musique classique, la musique de chambre, que du jazz ou de la musique cubaine, mais toujours avec quelques petits à côté cubains. Si vous regardez comme ça sur YouTube, tout ça, vous allez trouver des versions en concert où ça bouge un petit peu plus, mais sur l'album, ça reste un petit peu sage, je vais dire. Voilà. Et puis beaucoup de rééditions aussi, notamment, il faut le signaler, la réédition pour la première fois en vinyle de l'album Both Worlds de Michel Petrucciani, qui est un de ses meilleurs albums, qui était sorti à l'époque uniquement en CD, parce que c'était à la fin des années 90 et qu'à l'époque, on sortait plus trop de vinyle. Donc voilà, si vous voulez absolument l'avoir en vinyle, ce Both Worlds de Michel Petrucciani est désormais disponible. On va passer à la suite des nouveautés en coup de cœur avec encore une fois un saxophoniste. Donc c'est Monsieur Ben Wendell qui sort un nouvel album qui s'appelle Barcode, comme le code barre en fait, dans lequel il est curieusement accompagné uniquement de percussionnistes. Il y a avec lui carrément quatre percussionnistes et lui au sax. Donc là aussi un exercice un petit peu particulier. C'est aussi pour ça que je l'ai couplé avec Walter Smith, c'est que là sur ces deux exemples, vous avez ce que peut faire un saxophoniste sans instrument harmonique en fait en accompagnement, même s'il y a ici Joël Ross au marimba. Donc le marimba c'est un peu un instrument harmonique puisqu'il y a un clavier comme sur un piano. Il y a également Simon Moulier au balafon. Simon Moulier, on avait fait un coup de cœur aussi sur son dernier album, lui est habituellement vibraphoniste, mais là il joue du balafon. Patricia Brennan est au vibraphone et Juan Diego Villalobos aux percussions diverses. Donc voilà, quatre carrément percussionnistes en accompagnement de Ben Wendell au saxophone. Donc ça donne un résultat tout à fait étonnant, mais particulièrement réussi, qui aussi, entre jazz, musique du monde un petit peu par moment, il y a un petit côté aussi parfois sur l'accumulation des percussions qui rapproche, qui ramène vers l'esprit un petit peu de l'électro-cool, quoi. C'est assez étonnant à écouter, sachant que Ben Wendell, lui, au sax, il a accompagné tellement de monde déjà, Eric Harland, Antonio Sanchez, Taylor Hexty, et même Snoop Dogg et Prince. Donc voilà, une petite carte de visite déjà bien, hein, bien remplie. Voilà, il pose son saxophone là-dessus, avec des effets, bien sûr, sur le saxo pour travailler aussi parfois des effets de loop, de processeur, etc., qui permettent de rajouter encore des petites touches un petit peu électriques là-dessus. C'est vraiment très réussi, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Mimo. Vous allez voir, c'est vraiment splendide. Ben Wendell, Mimo, extrait de Barcode, c'est maintenant. Barcode, qui vient juste de sortir. Et là, le morceau s'appelait Mimo, donc Ben Wendell au sax, en compagnie de Joël Ross au marimba, Simon Moulier au balafon, Patricia Brennan au vibraphone et Juan Diego Villalobos aux percussions diverses. Vraiment un univers tout à fait particulier et bien, bien séduisant, ma foi. Et pas seulement pour les amateurs de percussions, hein, c'est vraiment, je trouve, très, très, très accessible musicalement. Alors, ça m'a donné l'envie de réécouter des choses de Ben Wendell, puisque c'est un garçon assez, assez passionnant, parce qu'il s'attaque à différentes choses au cours de sa carrière, et il avait fait en 2018 une adaptation de l'œuvre pour piano de Tchaïkovski, Les Saisons, qu'il avait retranscrit en 12 mouvements, donc chacun portant le nom d'un mois en particulier, de janvier jusqu'à décembre. Alors, c'est pas une transcription directe des saisons de Tchaïkovski, mais voilà, une sorte de relecture et réadaptation avec un orchestre de jazz de ces saisons de Tchaïkovski. Donc, évidemment, comme on est au mois de mars, eh ben, je vous ai choisi la pièce qui s'appelle Mars, March en anglais. Et là-dessus, Ben Wendell a un accompagnement beaucoup plus classique, puisqu'on retrouve Aaron Parks au piano, Gilad Exelman à la guitare, Matt Brewer à la basse et Eric Harland à la batterie. Donc, en gros, une sorte de all-star pour l'accompagner. Et ils nous font donc ce March, extrait des Saisons de Ben Wendell. C'était en 2018. Thank you. c'était le mois de mars, revu par Ben Wendell, extrait de son album Les Saisons, inspiré par l'œuvre de piano de Tchaïkovski, donc avec un très, très lumineux Aaron Parks au piano sur ce morceau-là, Ben Wendell au sax, Gilad Exelman à la guitare, Bran Prouwer à la basse et Eric Harland à la batterie. Voilà pour refermer cette mini-page consacrée à Ben Wendell, le saxophoniste. Et on va passer maintenant à un de mes chouchous habituels aussi. On a déjà eu un coup de cœur rien moins que l'année dernière avec son avant-dernier album. Et bien, le nouveau sort déjà. Il s'agit de Jeremy Pelt, le trompettiste américain, qui revient avec un album qui est aussi un petit peu un cri d'alerte et un cri culturel. L'album s'appelle « Our community will not be erased », « Notre communauté ne sera pas effacée ». Voilà, bien sûr, il part de la communauté noire américaine avec un album qui reste entièrement instrumental, mais dont chaque titre est un petit peu un cri du cœur sur l'état de la communauté américaine et de la communauté noire américaine actuellement. Il était évidemment, comme d'habitude, toujours très très bien entouré, Jeremy Pelt. Il n'y a rien moins que Lenny White à la batterie, le grand Lenny White, qui a joué lui aussi avec plein de monde. Lasse Corson au clavier, Orrin Evans au piano, et puis Buster Williams, le grand Buster Williams aussi, à la basse. Tout cela donc sur un style de jazz qui reste assez classique, mais très, très, très marqué, notamment par les influences de gens comme Charlie Mingus, qui a été pour Jeremy Pelt un père, pas vraiment, puisqu'ils sont pas tout à fait de la même génération, mais au moins dans l'inspiration. Cet album vraiment est très, très poignant, avec notamment ce titre qui s'appelle Fathers and Sons, les pères et les fils. Il y a un titre en miroir qui s'appelle Mothers and Sisters, qui fait suite un petit peu à ce morceau-là. Donc là, on parle des pères et des fils et de la tradition qui perdure à travers l'éducation. C'est pareil pour les mères et les filles dans le morceau suivant. Voilà, on va écouter ce morceau, donc Fathers and Sons, extrait de cet album Our Community Will Not Be Erased. Écoutez ça, la trompette de Jeremy Pelt, c'est vraiment du bonheur à écouter. Thank you. Jeremy Pelt, donc ce morceau Fathers and Sons, extrait de son nouvel album Our Community Will Not Be Erased. C'est vraiment très beau, cette ambiance avec cette basse très, très présente, très prenante de Buster Williams là, sur ce morceau-là particulièrement. Vraiment très très beau. On va passer rapidement sur l'agenda concert avec pas mal de choses encore ces jours-ci. Alors pour ceux qui auraient loupé Jeanne Adet de Bruno Ruder, Vincent Le Kang qui passe le 18 mars au Théâtre Olympia à Tours, ben, c'est trop tard parce que c'est plein, c'est complet malheureusement, mais bon, voilà, hein, ceux qui ont eu leur place, voilà, c'est bien, ils pourront en profiter. À signaler aussi le Festival Blues, alors c'est à Thouars, c'est dans le 79, mais voilà, c'est un très bon festival qui a lieu déjà depuis un bon nombre d'années, très, très blues, avec plein de gens intéressants, Mike Keller, Cincinnati Slims, les Freaky Birds, Jackson Allen, enfin bon, un beau programme, c'est du 25 au 29 mars à Thouars, c'est pas si loin que ça, hein, vous pouvez y aller, il y en a pour une grosse heure de route, quoi, c'est vite fait. Le 26 mars, au Petit Faucheux, il y aura, alors là c'est gratuit, hein, c'est les élèves de Jazz à Tours qui viennent présenter leur projet d'année, donc une sorte de petite masterclass. En plus, il y a la présence de Géranine Laurent, la saxophoniste qui les a aidés un petit peu dans leur programme, donc qui viendra aussi jouer avec eux. Donc 26 mars, Petit Faucheux, toujours intéressant de voir des jeunes pousses comme ça se débrouiller sur scène. Et puis après, bah, début avril, il y aura aussi le Festival Superflu, toujours au Petit Faucheux, mais à MAM aussi, pour ceux qui sont curieux de découvrir des nouvelles musiques autour du jazz. Voilà pour cet agenda concert. On va terminer, comme d'habitude, avec une réédition. Une réédition, personnellement, d'un monsieur dont je n'avais jamais entendu parler. Et oui, c'est ça qui est formidable quand on fait de la radio comme ça, aussi bien quand on prépare que quand on écoute. Eh ben, on découvre des choses et on découvre des gens. C'est une réédition d'un album paru chez Blue Note en 1956. Et le monsieur en question, c'est un certain Lawrence Marable. Lawrence Marable, qui de son état est batteur. Alors son nom s'écrit de deux manières, soit Lawrence à la classique, L-A-W-R-E-N-C-E, ou alors Lawrence, L-A-R-A-N-C-E, voilà, une orthographe un petit peu fluctuante au fil des années dans sa carrière. C'est quand même quelqu'un qui a joué en compagnie de gens comme Charlie Parker, Dexter Gordon, Chet Baker, c'est-à-dire qu'il a joué aussi bien avec les boppers qu'avec les gens du jazz cool, comme aussi Bobby Timmons et Chet Baker. Et voilà, un batteur apparemment solide, qui avait très bonne réputation, et puis qui a donc enregistré donc cet album qui s'appelait Tenorman. Alors c'était étrange d'entendre de voir un album d'un batteur s'appeler L'homme au ténor, mais en fait c'est parce que comme c'est un garçon discret, Lawrence Marable, et ben il laisse la plupart de la lumière à un certain James Clay, qui est un grand saxophoniste lui aussi, qui a fait une carrière qui n'a pas été toujours récompensée au niveau de ce qu'il voulait faire. Ce James Clay d'ailleurs, que l'on voit en gros plan sur la pochette, alors que Lawrence Marable est en fond de pochette un peu flou. Voilà, c'est un petit peu étrange. Voilà, des garçons qui ne devaient pas avoir d'égo surdimensionné, hein, ça fait du bien de temps en temps dans la musique. Et donc cet album, c'est plutôt un album de jazz West Coast, très, très cool. Il y a un certain Sonny Clark, rien que ça, au piano, Jimmy Bond à la basse, et ça a été enregistré, tout ça, bien sûr, comme on le faisait à l'époque, en une seule journée. Le 4 août 1956, hop, on enchaîne 8 morceaux et hop, c'est dans la boîte, hop, et c'est prêt à être envoyé à l'usine de pressage. C'est produit par Herb Kimmel, qui est un des grands producteurs de la West Coast américaine. Et donc, voilà, on y retrouve donc en vedette quand même plus le saxophone de James Clay que la batterie de Lawrence Marable, qui lui-même, Lawrence Marable, fera une petite carrière et ira ensuite retourner un petit peu auprès de sa famille. Et c'est assez étonnant parce que James Clay, qui joue donc du saxophone, et ben fera un petit peu pareil. Il ira jouer jusqu'à avec des gens comme Cannonball Adderley, et puis un jour, En 1962, un certain Ray Charles fera appel à lui pour intégrer son orchestre. Et dans son orchestre, il n'est même pas le premier sax, il est carrément le sax de la rythmique, quoi, et tout. Il se contentera d'être l'accompagnateur de Ray Charles. Remarquez, ça devait payer les factures à la fin du mois. Il a chercher à faire carrière, et ensuite il est parti finir sa vie tranquillement dans le Texas auprès de sa famille, où il jouait dans les petits clubs locaux. Donc voilà un homme tout à fait discret et tout à fait recommandable. Donc deux hommes, même, puisque donc Lawrence Marable était un petit peu du même bois. Cet album, donc sorti en 1956, est réédité ces temps-ci en vinyle. Ça doit bien faire au moins 50 ans qu'il n'a pas dû être édité en vinyle. Donc profitez-en si vous aimez ce que vous allez entendre. Alors ce qui est marrant, c'est que le morceau qu'on va écouter s'appelle Marbles les billes, comme le premier morceau qu'on a écouté tout à l'heure en début d'émission. Mais c'est pas du tout le même morceau, hein. Ça n'a rien à voir. Vous allez voir, ça décrase un peu moins les oreilles que John McLaughlin. Mais voilà, c'est un titre écrit par le pianiste d'ailleurs, Sonny Clark, sur cet album. On va l'écouter tout de suite, sauf qu'avant, on va quand même remercier Maxime pour avoir assuré la technique comme d'habitude. Et puis, nous, on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, que le jazz soit avec vous.